Prononciation. E, E, E. Page 85. Activité 1. Écoutez les différences. E comme elle. E comme équipé. E comme deux.